coca et assieds-toi. Kiss me as you love me. Ferme les yeux, écoute-moi. Ce soir, si tu le veux, dans un grand lit, nous serons mieux. J'aimerais te retenir, mais en anglais, comment le dire? Il y avait un drapeau américain sur son sac déchiré. Un blue jeans qui ne valait plus rien, mais je crois que je l'aimais bien. You love me. Ta cigarette m'énerve un peu. Kiss me as you love me. Tu sais, la vie n'est pas un jeu. Demain, au petit jour, nous resterons pour faire l'amour. J'ai bleu sur ses seins nus, un foulard en bannière. On voyait un anon sur ses pieds nus, prêt à faire le tour de la terre. Kiss me as you love me. Ne t'en va pas.